Ils iront dire qu'on est sans peur et sans limite, dénué de raison, alcoolique ou drogué, et que le diable est dans nos maisons. Je peux pas croire qu'on est tous logés à la même enseigne. Il me faut une feuille blanche pour éponger, car mon stylo enseigne juste une instru qui claque pour nourrir ma rime. Et je marine devant la poisse qui danse en ballerine. Le soir tard, mes démons s'agitent et viennent me frôler, comme s'ils voulaient que je m'attache à un de leurs colliers. Bien souvent j'ai collé ma voix sur fond musical, mais rien à voir avec la mode, chez nous c'est médical. Briseur de cervicales, juste avec des mots extraits de mon champ lexical. Je balance mon récital, tu peux toujours fumer, tu feras jamais un tabac. J'ai l'habitude de lever la tête quand le moral est en bas. Les mauvaises pensées t'embarquent, mais la raison te met une claque, parce que personne ne veut finir le nez dans une flaque. Laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélo, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélo, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélo, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélo, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélo, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélo, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélo, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la. Le moral haché, taché sur nos feuilles fâchées, gassées, trois accords donc nos récits sont glacés. On tourne en rond dans l'espoir de partir loin. Étrange paradoxe, comme se mettre mal pour se sentir bien. On a tous la rage sans mesurer son ampleur, donc je dois me contenir, je préfère taper sur mon sampleur. J'écris sans peur, je pose pas des rimes sans le cœur. On passe tellement de temps à terre, alors appelle-nous breaker. Trop souvent dubitatif, ouais affirmatif, ils préféreraient nous voir dans un état végétatif. Toujours actif depuis que les soucis font tomber les tifs. Et rappelle-toi dès la naissance, tout est sélectif. Alors avance et méfie-toi de ceux qui ont de longues dents, car il s'agit pas de courir vite, mais faut courir longtemps à contre-courant. On s'oublie vite face à nos comptes courants. Ce pays me fout la gerbe, putain je crois bien que je vais tout rendre. Laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélo, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélo, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélo, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la mélodie, laisse tourner la putain de mélodie, frère.